À coup de temps, le financier fait sa fortune. À coup d'erreur de mes 20 ans, à coup de clin d'œil à la lune. À coup de cœur, à coup de cran, je veux rentrer dans l'existence. En me cognant, en me battant, dans un combat sans indulgence. Ah oui, c'est bien ça la jeunesse, on voudrait tout croquer d'un coup. Il faut le temps et la sagesse, ça ne vient pas sur rendez-vous. À coup de temps, le financier fait sa fortune. À coup d'erreur de mes 20 ans, à coup de clin d'œil à la lune. À coup de cœur, à coup de cran, je veux rentrer dans l'existence. En me cognant, en me battant, dans un combat sans indulgence. À coup de temps, j'irai respirer la souffrance. À coup de foi de mes 20 ans, j'irai flirter avec la chance. À coup de poing,